Activité 7, page 83. Piste 67. A. Marianne est souriante. B. Viviane n'aime pas la viande. C. Christian vient de Vientiane. D. Christiane aime les objets brillants.